Bon, ben bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être venus. Nombreux. Ben si, c'est pas si minable que ça. En tout cas, ici, il n'y a pas la quantité. Comme je dis toujours, il doit y avoir certainement la qualité. Et donc, c'est, après, je vous rappelle que la causerie, enfin, vous pouvez le dire à vos amis qui n'ont pas pu venir, elle sera d'ici quelques jours écoutable à partir du site internet du CIRA. Ceux et celles qui ne connaissent pas le CIRA, je ne vais pas vous le présenter maintenant. Après, on boira un coup. Et puis, s'il y en a qui veulent poser des questions, savoir comment on fonctionne, qui on est, on vous donnera, on est plusieurs, on vous donnera toutes les explications. Donc là, vous êtes dans le cadre des causeries. Donc, on essaye mensuelles, ce n'est pas toujours possible, mais régulières du CIRA de Marseille. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Joël Martine. Alors, je ne présente pas parce que Catherine, qui est avec lui, va faire un peu l'animatrice. Après, moi, je serai là à la fin pour prendre les tours de parole. Alors, moi, je voulais surtout remercier Joël. Bon, c'est un bouquin qu'il a publié il y a 2 ans, mais il a absolument voulu venir le présenter au CIRA. Donc, tu nous diras pourquoi tu as choisi ce lieu, parce qu'à Marseille, il y a 52 lieux qui aurait pu t'accueillir, et c'est quand même sympa de ta part de nous avoir proposé ton livre et ta causerie. À vous de la parole. On est main. Oui. Mon nom est Catherine Rouen, donc je suis là pour débattre avec vous et Joël de son livre « Féminin, masculin ». Nous sommes connus il y a quelques bonnes années à ATTAC, à la Commission Environnement. Donc on s'est retrouvés sur les valeurs d'écologie et en fait on se retrouve aussi aujourd'hui sur le féminisme. Voilà. Donc Joël est titulaire d'un doctorat de philosophie avec une thèse qui s'appelait Ontologie de la société, psychanalyse de la vie sociale, qui a été édité chez PUF. Donc aujourd'hui, tu as écrit Féminin-Masculin, tu as écrit également un livre sur, qui s'appelle Le viol-location, sur la prostitution. Joël participe aussi à des recherches sur la pornographie. Après avoir été professeur de philosophie, tu as été et tu restes toujours un fervent militant. Donc quand on voit ta bibliographie, on pourrait penser quand même que tu es un peu obsédé sexuel. Mais... enfin, disons que la question des rapports entre les sexes est un thème d'étude important. Voilà. Donc moi, pour l'instant, je ne vais pas en dire plus. Donc Joël présente son livre. Après, moi, je pose une ou deux questions, s'il y a lieu. Et puis, on ouvre le débat avec vous. Voilà. Merci. Hein, on s'est connus dans la lutte contre la mise en place d'un incinérateur de déchets ménagers. Et c'était à une époque où on n'osait pas trop parler du réchauffement climatique parce que tout le monde n'y croyait pas. Et voilà, hein, maintenant, c'est clair que ça apparaîtrait comme une folie. Mais bon, on a perdu. Hein. Il marche toujours, hein, cet incinérateur. Oui, je ne m'occupe pas que de sexe. Hein. J'ai aussi écrit un certain nombre de choses sur la question est-ce que les coopératives ouvrières peuvent être un élément d'une alternative radicale au capitalisme. Hein. Donc voilà, il y a aussi des choses comme ça qui m'intéressent. Hein. Bon, il n'y a pas que le sexe dans la vie. Enfin bon, ça joue quand même. Hein. Et autre chose, j'avais un site et puis je ne l'ai pas alimenté depuis que depuis que j'ai passé du temps à rédiger ce bouquin. Alors ce livre, ça part d'une question. Pourquoi y a-t-il après tout de la domination masculine? Pourquoi y a-t-il ça? Parce que actuellement, on est dans une vague d'affirmation du féminisme hein, à l'échelle internationale. Hein. C'est quand même quelque chose de réjouissant de voir que profession après profession, les les dragueurs dominateurs qui profitent de leur pouvoir, etc., se font cibler les uns après les autres. Donc, c'est intéressant. Et du coup, il y a pas mal d'écrits sur comment fonctionne la domination masculine, hein, les ruses de cette domination, etc. Je ne me suis pas trop posé la question de comment ça fonctionne, mais après tout, pourquoi parmi toutes les dominations contre lesquelles on a envie de lutter, pourquoi est-ce que dans presque toutes les sociétés, il y a la domination masculine qui reste, hein, qui est présente, hein, voilà. Alors, je vais essayer de présenter le livre un peu dans l'ordre des chapitres, hein, où vous avez ce sommaire détaillé que j'ajoute parce que l'éditeur n'a pas voulu le mettre. C'est simplement le titre de chaque chapitre, hein, mais j'ai été amené à errer dans toutes sortes de questions, hein, par exemple, il n'y a pas de chapitre sur l'homosexualité, mais j'en parle de temps en temps, hein. Etc. Hein. Et puis comme ça, vous voyez un peu de quoi je cause. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui, c'est peut-être le seul défaut de cet éditeur. Moi, j'ai eu du mal à éditer ce livre, d'abord parce qu'il est trop gros. Pour être facilement vendu. Je vous rassure tout de suite, hein, je fais ma publicité. Il y a à peu près 4 livres dans ce livre. Hein. Donc, il est épais, hein, 300-400 pages, hein, vous n'allez peut-être pas avaler ça tout d'un coup, hein, mais hein, certains chapitres avaient déjà été publiés séparément. Hein. Si vous vous intéressez aux singes, c'est le chapitre 1, et il est très drôle, il est facile à lire, etc. Si vous vous intéressez à la combinaison, à l'articulation entre le travail domestique des femmes et le travail salarié des femmes, il y a un chapitre là-dessus que vous pouvez lire à part. Il a aussi été publié à part. Si vous vous intéressez à l'écoféminisme, il y a également, c'est le dernier chapitre parce que j'ai voulu terminer là-dessus, hein, c'est aussi un chapitre qui a été publié sur le site national de l'ATTAC. Hein. Donc je veux dire par là, achetez-le quoi. c'est un livre qui peut en remplacer 4 autres. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, ça a été difficile à publier. Pourquoi? Parce que j'ai tenu à ce que ce soit dans un même volume des explications sur ce que la biologie nous apprend, et d'autre part, pour ne pas passer simplement pour quelqu'un qui s'intéresse à la biologie, hein, en quoi le féminisme peut être anticapitaliste. Mais le problème, c'est que les éditeurs qui s'intéressent à faire connaître la biologie et tout, ils n'ont pas forcément envie de publier un anticapitaliste. Hein. Et inversement, malheureusement, les éditeurs qui s'intéressent à l'anticapitalisme, ils n'ont pas forcément envie de publier quelqu'un qui dit il faut écouter ce que nous dit la biologie, parce que la biologie est un peu suspecte. Hein. Seulement, voilà, je me suis rendu compte dans une causerie avec, je ne sais plus comment il s'appelle, votre copain qui a écrit sur les... Pierre Jouventin, voilà, hein, hein, qui élève ou qui a élevé une louve et qui a écrit aussi sur l'homme préhistorique, la genèse de la violence entre les humains, des choses comme ça. Et c'est là que je me suis rendu compte que les anarchistes ont beaucoup de qualités, ils ont beaucoup de défauts, mais en tout cas, ils sont ouverts d'esprit, du moins ils sont censés l'être et la plupart le sont, hein. Et enfin, j'ai trouvé une maison d'édition qui n'est pas peur, parce qu'il avait déjà publié des livres de biologistes, hein. Je pense par exemple à Thierry Laudet, hein, La guerre des sexes chez les animaux, facile à lire, drôle, très complet, plein d'exemples, hein. Quand vous avez lu 4 pages de ça, vous dites Ah oui, je me rends compte qu'il existe un conflit de sexe chez les animaux. Hein. Bon, Thierry Naudet, c'est un anarchiste, quoi. Bon, ça, c'était Odile Jacob, hein, mais entre-temps, il a publié d'autres choses chez ce même éditeur. Voilà. Donc, merci à ces éditeurs ouverts d'esprit. Bon, alors, pourquoi est-ce qu'il y a cette domination masculine qui est un peu partout, à des degrés divers, bon. Eh bien, la plupart des écrits sur l'origine de la domination masculine commencent dans la préhistoire humaine. Moi, je commence par des comparaisons entre les espèces, parce que ce n'est pas nous, les humains, qui avons inventé la domination masculine. Il y a des cas de domination masculine chez les papillons. Il y a des cas de résistance féminine, parfois victorieuse, à l'échelle de l'évolution. Les hyènes, c'est un exemple. Hein. Les hyènes. Hein. Elles fonctionnent en groupe assez belliqueux et où c'est des femelles qui sont... C'est une adaptation des femelles au fait que... Enfin, disons, il y a 4 ou 5 explications, parce qu'on n'est pas sûr. Hein, mais c'est une adaptation, au cours de l'évolution, des femelles au fait que les mâles sont souvent des déserteurs. C'est du moins l'une des explications qui est donnée. Hein, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de conflits entre les groupes de hyènes, et il est fréquent qu'un mâle aille voir en face, change de crèmerie, etc. Et donc, bon, voilà, bon. Il y a d'autres explications, mais c'est intéressant parce que même morphologiquement, les femelles hyènes ressemblent à des mâles. Hein. Par exemple, elles ont des renflements qu'on peut voir, on croit que c'est des testicules, mais donc c'est une façon de sans le vouloir. Hein, mais ça a été sélectionné par la sélection naturelle comme étant, sans doute, hein, c'est du moins l'hypothèse qu'on fait, comme étant une manière d'impressionner des ennemis. Bon, bon, alors, je vais vous parler sur cette comparaison entre les espèces. Je vais commencer par parler des chimpanzés, parce que je picore un peu quelques éléments du livre, hein, parce que, bon, évidemment, il y en aurait trop. Hein. Alors, la violence masculine... La violence conjugale, même si les chimpanzés ne forment pas des... Enfin, leur régime sexuel, c'est plutôt quelques mâles dominants et qui ont un accès sexuel à un certain nombre de femelles, hein, et qui sont en concurrence entre eux, ces mâles dominants. Hein, donc on peut pas parler de violence conjugale, puisqu'ils ne vivent pas de façon conjugale. Hein, mais disons la violence du mâle vis-à-vis de sa compagne ou de ses compagnes, hein, c'est assez fréquent, hein, chez les... chimpanzés, donc on peut parler de domination masculine. Hein. Il y a aussi une forme extrêmement dure de domination, une expression de la domination masculine ou un outil de domination masculine. C'est l'infanticide par les mâles, c'est-à-dire que quand un mâle chimpanzé est amené à rencontrer, etc., hein, une femelle qu'il ne connaît pas particulièrement, avec laquelle il n'a pas de rapport sexuel, ou pas encore, etc., et qu'elle est avec un petit, un nourrisson. Hein. Eh bien, l'instinct typique du chimpanzé, c'est de tuer le nourrisson. Hein. Ça existe aussi chez les rats, ça existe aussi chez les lions. Hein. Quand je ne sais pas s'il faut appeler ça un harem, mais disons quand un groupe de femelles qui sont avec un mâle, quand elles se trouvent sans ce mâle parce qu'il meurt ou parce que, etc., hein, et donc le harem est récupéré par un nouveau mâle, le nouveau mâle commence par faire le ménage. Hein. Alors, il est facile de comprendre que ce comportement qu'on voit chez beaucoup d'animaux, les chevaux sauvages font ça, d'autres primates, hein, pas tous, hein, mais d'autres primates. Oui, bon, C'est facile de comprendre que c'est une façon d'écarter la progéniture des concurrents. Hein. Enlève tes gènes, enlève ton petit de là, hein, enfin moi je l'enlève, hein, et comme ça c'est la place à moi. D'autre part, comme vous le savez, quand chez les mammifères, hein, quand une allaitante cesse d'être tétée, hein, par exemple quand on sèvre la vache en enlevant le veau, eh bien en quelques jours la lactation s'arrête et parallèlement le cycle de l'ovulation recommence. C'est-à-dire qu'en tuant le petit, eh bien le mâle, au cas où il puisse ensuite accéder sexuellement à cette femelle, eh bien il la met dans la situation de pouvoir accueillir ses spermatozoïdes. Et donc, c'est une tactique pour transmettre ses gènes. Hein. Voilà, mais il est évident que du point de vue de la femelle, mais c'est dur. C'est dur psychologiquement, et puis c'est dur en termes d'investissement. Hein. Elle a investi de l'énergie pour une grossesse, de l'allaitement, etc. Hein. Mais pour moi, je trouve que c'est la forme d'expression de la domination masculine certainement la plus cruelle, mais c'est un instinct. C'est comme ça. Hein. Est-ce qu'il en reste des traces chez les humains? Ça se discute. Ce qui est certain, c'est que beaucoup d'humains ont l'instinct contraire. Alors, est-ce que c'est un instinct? Alors, c'est encore toute une discussion qui est expliquée là-dedans sur qu'est-ce que c'est qu'un instinct. Hein. Il n'y a pas d'instinct sans un certain entraînement interactif. Hein. Mais bon... La notion d'instinct, je n'arrive pas à m'en défaire complètement. Hein. C'est vrai que souvent, quand un homme tombe amoureux d'une femme qui a déjà un enfant fait par un autre, ça se traduit par le fait qu'il est plutôt... Il a envie d'aimer aussi le petit. Parce que ça va avec le paquet cadeau, quoi. Voilà... Ce que je veux dire, c'est que chez les humains, il y a peut-être des fois où on est énervé par les gamins qu'on n'a pas fait soi-même, hein, mais c'est pas un instinct typique, automatique. Hein. Chez les lions, c'est automatique. Hein. Il y a des équipes de cinéastes qui ont repéré le moment où il allait y avoir un passage de mâle dominant dans un groupe et qui ont filmé parce qu'ils s'attendaient à ce que le nouvel arrivant tue les petits. Et bon, ça marche, quoi. C'est un instinct, c'est-à-dire un comportement typique. Alors que chez les humains, ce n'est pas un comportement typique. Ça arrive. Il y a plus d'enfants qui meurent parce qu'on les a secoués, parce qu'ils sont énervants. Il y en a plus de la part du compagnon de la mère quand il n'est pas lui-même le géniteur. Bon. Mais ça joue sur des petits pourcentages. Hein. Voilà, vous voyez ce type de discussion-là, hein, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de la comparaison entre les espèces, hein, bien voir que cette comparaison doit être faite avec beaucoup de précautions, avec beaucoup de si et de mais, etc. Hein. D'autre part, les chimpanzés, les mâles chimpanzés, ne paternent pas. Hein, il ne s'occupe pas des bébés. Non. Non, non. Sauf dans un cas. Hein. C'est-à-dire qu'il s'amuse un peu avec les enfants, il les promène un petit peu sur leur dos, etc. Dans les cas un peu exceptionnels, du genre l'enfant qui tombe à l'eau, le mâle qui passe par là, qui fait partie du groupe, il saute et puis il ramasse l'enfant et il le sauve. Hein. D'ailleurs, quand ça arrive à un humain, eh ben, ça arrive que le singe va sauver la personne. Hein. Bon, mais il y a un cas où, typiquement, les mâles chimpanzés dorlotent les bébés. C'est quand il n'y a pas de guenon disponible. Par exemple, quand la mère a été tuée par un prédateur, etc. Qu'est-ce que ça nous montre, cela? Ça nous montre d'abord que les instincts de parentaux, hein, s'occuper de la progéniture. Hein. Cet instinct est, bien sûr, on le savait déjà, mais il est genré. Hein, les guenons, il n'y a pas besoin beaucoup qu'on leur dise de s'occuper des enfants. Hein. Donc c'est clair, c'est genré, c'est pas un instinct masculin. Ben, il y a quand même cet instinct masculin. La preuve, c'est que dans certaines conditions, ça se déclenche. Hein. Donc tout ça pour dire que, attention, pas de schématisme. Hein. Darwin lui-même avait fait remarquer que les chapons, c'est-à-dire les poulets castrés, hein, qui ne deviendront pas vraiment des coqs, hein, ils couvaient. Hein. Donc ils avaient ce comportement de s'occuper des œufs, et pourtant on les a pas obligés. Simplement, on a modifié le climat hormonal intérieur par la castration. Hein. Mais ça prouve que quelque part dans leurs instincts non exprimés, les coqs ont un instinct de couver. Simplement, ils ne s'en servent pas parce que leurs hormones leur demandent de faire un peu différemment. C'est une parenthèse sur la question des instincts cachés, etc. Hein, les instincts, c'est compliqué. Hein. Je dis que c'est un concept valise, hein, dans lequel on met un peu ce qu'on veut, mais on peut difficilement s'en passer parce que c'est bon. Allez, j'arrête parce que là, je vais partir dans des considérations méthodologiques sur. Le mode de pensée de la science biologique, bon, je développe pas. Hein. Voilà. Alors, où c'est que j'en étais ? Oui. Cela dit, hein, le fait que les mâles chimpanzés laissent en gros les femelles s'occuper des petits, c'est pas un acte de domination. Parce que la femelle chimpanzé, qu'est-ce qu'elle a de mieux à faire ? Elle ne va pas faire une carrière, elle ne va pas être salariée, elle ne va pas devenir directrice de quelque chose. Hein. Bah, l'un des trucs les meilleurs qu'elle peut faire, c'est de participer à la vie sociale, d'être une bonne copine pour ses copines, pour ses copains, etc. Et aussi de s'occuper de l'enfant. Hein. Donc, je veux dire, c'est un peu hors sujet de parler de ça au titre de la domination masculine. Hein. La question se pose évidemment chez les humains. Hein, ça, évidemment, hein, chez les humains, si le mari impose à son épouse de ne pas faire carrière dans les trucs qui l'intéresseraient et de passer son temps à s'occuper des enfants, bon, c'est un cas de domination. Oui. Alors, je continue. À quoi ils passent leur temps, les chimpanzés ? Principalement à des luttes pour le pouvoir. Ouais, ils passent aussi leur temps, il faut aussi qu'ils chassent, qu'ils cueillent, etc., qu'ils se fabriquent un nid, bon, etc. Hein. Mais socialement, beaucoup de luttes pour le pouvoir, hein, pour des instincts de domination, mais aussi instincts de soumission. Hein. Vous êtes un chimpanzé, vous voyez que l'autre en face, il est quand même un peu costaud, et puis bon, bah, qu'est-ce que vous faites ? Profil bas, hein. C'est aussi un instinct. Hein. Les instincts, nous avons, j'ai découvert en étudiant ces questions-là, que nous avons souvent plusieurs instincts antagonistes. Hein. Et donc, il n'y a pas que les êtres humains qui font des choix sartriens, hein, entre ci ou ça. Non, comme nous, beaucoup d'animaux, ont des instincts opposés les uns aux autres, eh bien, instinct ne veut pas dire absence de choix, au contraire. Hein. Instinct, c'est un petit peu des répertoires, hein, que vous pouvez choisir un répertoire ou un autre. Par exemple, je serai un chimpanzé soumis, ou je serai un chimpanzé vainqueur. Bon. Alors, donc, vous voyez quand même, pourquoi est-ce qu'ils passent leur temps à lutter pour le pouvoir ? Ben, parce que la récompense principale du pouvoir, c'est des copulations, beaucoup de copulations. Hein, c'est-à-dire on peut imposer ou même attirer les femelles quand on a plus de prestige, de pouvoir. On pourrait s'attendre avec ce tableau-là que les chimpanzés sont aussi des violeurs. Ben non, Non, c'est pas du tout typique. Hein. Dans des circonstances non normales, par exemple quand ils sont en captivité, hein, et que bon, ils sont en captivité avec une femelle, bon, elle peut pas s'échapper. Alors là, ils en profitent. Bon, mais dans les conditions, disons naturelles, sauvages, et dans pour des personnages qui ne sont pas atteints d'une pathologie, hein, ils ne violent pas. Alors, ça peut s'expliquer par le fait que l'instinct de ne pas violer aurait, c'est une explication hypothétique, aurait été sélectionné par la sélection naturelle, hein, parce que celui qui utilise le viol ne va pas forcément attendre que la femelle en face soit disposée, c'est-à-dire il risque de louper les bons moments où justement elle en a envie très nettement elle aussi, et qui sont en fait les moments où il y a la fécondabilité. Hein, donc on peut expliquer ça. Hein, chez la quasi-totalité des primates, hein, le viol n'est pas un comportement typique. Ça peut arriver, hein, mais ce n'est pas un comportement typique. Il y a deux espèces de primates qui violent de façon typique. Hein. Ce sont d'une part les orang-outans. Hein. Bon, pourquoi ? Alors là, je pourrais l'expliquer, mais ça nous emmènerait encore à d'autres considérations. Voilà. Et vous connaissez l'autre espèce de primate qui pratique le viol de façon typique. C'est l'être humain, hein, et en plus l'être humain est à ma connaissance le seul primate qui pratique le viol collectif, hein. Alors, il y a d'autres animaux qui pratiquent le viol collectif. C'est des animaux, c'est, par exemple, je sais que c'est le cas des dauphins. Les dauphins sont des as de la chasse coopérative. Hein. Ils sont capables de se coordonner entre eux pour encercler des bancs de poissons, les coincer comme ça et pouvoir en attraper le plus possible. Et donc, comme ils sont très coopératifs... Ils en profitent aussi pour des raisons sexuelles, c'est-à-dire hein, s'ils voient une dauphine qui est un peu isolée par rapport à son groupe de référence, ben, ils savent la coincer, la séparer de son groupe et la violer. Hein, bon. Mais enfin, c'est quand même intéressant de voir que hein, le primate le plus intelligent, le plus capable d'imaginer des choses et le plus coopératif. Beaucoup de primates sont coopératifs, mais les êtres humains connaissent toutes sortes de formes de coopération qui sont très développées, hein. Et bien en même temps c'est celui qui viole, quoi. Donc tout ça pour dire que la comparaison entre les espèces, ça ne signifie pas le décalque, hein. Chaque espèce a son héritage particulier. C'est même pour ça que c'est une espèce. Hein. Mais ce qui est important, c'est de voir un petit peu la logique. Hein. Et on voit bien que la violence chez les chimpanzés, hein, elle prend deux formes. Hein. D'une part, violence entre les mâles, violence par rivalité, pour accéder aux femelles. Et puis aussi, violence vis-à-vis des femelles pour justement leur imposer ben, d'obéir et puis de ne pas trop flirter avec les autres. Hein. Bon, ben là, on a un schéma qui ressemble beaucoup à ce qu'on connaît dans la domination masculine, hein, chez les humains. Hein, la domination masculine, voilà, c'est à la fois une manière de s'imposer. Je pense que c'est fondamentalement pour des raisons sexuelles. Hein. On verra après qu'il y a aussi des raisons économiques, il y a aussi des raisons de prestige. Hein. Mais utiliser la violence ou la menace de violence pour s'imposer vis-à-vis des femmes, hein, mais aussi la violence entre les hommes pour écarter les rivaux. Bon. Il n'y a pas de sentiment amoureux qui ressemble vraiment au sentiment amoureux. Hein, c'est plutôt, il y a des sentiments tout à fait humains hein, chez les chimpanzés, la camaraderie, l'amitié à long terme, hein, mais l'amour, vous savez, l'amour avec un grand A, la fascination par l'autre, etc., hein, le dévouement, pas tellement. Pourtant, ça existe. Hein, alors, il y a une autre catégorie d'animaux qui sont intéressants à comparer avec les êtres humains, c'est les oiseaux, pour une raison, c'est que chez les oiseaux, peut-être 80% des espèces sont monogames, hein, et donc il y a des, alors c'est pas du tout par, les canards sont monogames, pas tout à fait, mais enfin bon, quand même, hein, sont monogames, les humains sont monogames, ça ne veut pas dire qu'on a en nous des gènes de canard. Hein. Ça veut dire qu'indépendamment, l'évolution a fait apparaître ou a retenu des dispositions semblables et des structures même semblables, hein, avec des phénomènes de jalousie chez les humains et chez les canards. Hein. Mais c'est toujours intéressant d'étudier comment une espèce, même sans proximité génétique avec la nôtre, comment une espèce met en place un certain rapport social. Et par exemple, vous avez entendu parler de Konrad Lorenz, hein, l'un des fondateurs de l'éthologie animale, hein, qui a beaucoup étudié les oies, hein, et autres... espèce genre canard, quoi. Il a décrit, hein, la dépression d'une suite à une déception amoureuse chez une oie. Hein, il dit on peut parler d'amour, et il ajoute, s'il vous plaît, sans guillemets, hein. C'est-à-dire que la comparaison entre les espèces me semble tout à fait nécessaire pour dire que les êtres humains n'ont pas inventé la domination masculine, ils en ont hérité et ils l'ont transformé sur des aspects décisifs, hein. J'ai parlé tout à l'heure du viol collectif. Hein, ça, c'est made in être humain. Hein. Faudrait expliquer pourquoi la monogamie s'est développée chez les oiseaux. Hein, mais bon, allez voir dans Wikipédia. Vous avez des explications qui sont assez intéressantes. Quand on parle de domination masculine, il faut aussi parler de résistance féminine, dans tous les cas. Hein. En fait, ce qui est premier, ce n'est pas la domination masculine, c'est le conflit. On verra après, là tout de suite, comment s'organise le conflit. Hein. Dans de très nombreuses espèces, hein, il y a un conflit typique entre mâle et femelle. Hein. C'est ça qui est important à comprendre. Hein. Pas la domination, hein, mais un conflit qui s'explique par certaines coordonnées, hein, et qui aboutit, dans beaucoup de cas chez les mammifères, c'est clair, à la domination masculine, dans d'autres cas à une forte résistance féminine et une situation à peu près équilibrée, hein, chez les oiseaux monogames. C'est en général assez équilibré, hein. Regardez les hirondelles, hein. Elles partagent mâle-femelle, elles partagent la construction du nid, la chasse aux insectes, peut-être même aussi l'éducation quand les petits commencent à se lancer, à voler de leurs propres ailes. Un des cas d'équilibre, quoi, hein. Et puis, des cas inverses, hein, à domination féminine, par exemple chez les hyènes. Alors, vous avez entendu parler des bonobos. Hein. Pendant longtemps, on a confondu les bonobos avec les chimpanzés, hein, parce qu'ils se ressemblent beaucoup, hein, au niveau physique, au niveau du niveau d'intelligence, etc. Hein. Mais vous savez aussi, parce que ça commence à se savoir, hein, que les bonobos, c'est peace and love, Hein. C'est un animal assez porté sur le sexe, hein, très. Et en gros, hein, quand deux individus chimpanzés se rencontrent et qu'ils ne se connaissent pas, ils commencent à se regarder méchamment. Hein. Surtout quand c'est deux mâles, vous voyez, hein, ou deux femelles, enfin, etc. Ils commencent à se regarder méchamment, et souvent ça tourne mal. Hein. Ils sont agressifs. Ah oui, une chose dont j'ai oublié de vous parler, excusez-moi, je ne sais pas si je tiendrai mon temps, parce que bon. Y a la guerre aussi qui existe chez les chimpanzés. Hein. La guerre territoriale, c'est-à-dire que le groupe de chimpanzés correspond à un territoire, hein, et il y a des équipes de mâles qui se baladent aux limites du territoire. Hein, et quand ils rencontrent ou qu'ils voient un mâle du territoire d'à côté, eh bien, ils vont à la castagne. Hein, et ils essayent de le tuer. Oui. Alors, quel est l'intérêt de ce comportement? Alors, c'est un comportement de la part de mâles, mais pas seulement. Dans la patrouille, on pourra trouver de temps en temps une femelle, mais il s'agit plutôt d'une femelle jeune et qui n'a pas encore de progéniture. À partir du moment où elle s'occupe d'un premier bébé, on en trouve, enfin, à ma connaissance, on n'en trouve pas tellement dans les patrouilles militaires. Hein. Alors, ces guerriers, hein, bon, ils tuent les voisins, les mâles, puis quand ils en ont tué suffisamment, qu'il y a moins de défense du groupe d'en face, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils envahissent. Et ils s'installent, soit pour élargir le territoire de leur groupe, soit pour créer un nouveau groupe par scissiparité, enfin je ne sais pas comment on peut dire, par séparation et colonisation, et ils récupèrent les femelles, hein, qui se retrouvent sans leur mâle, elles ont toujours quand même l'instinct sexuel, et voilà, donc on a un schéma guerrier, qui est très clairement un schéma qui participe de la domination masculine, hein, puisque c'est des mâles qui tuent les mâles voisins et pour s'approprier sexuellement les femelles. Je ne sais pas trop ce qu'elles en pensent, les femelles, mais en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que l'activité de rivalité entre mâles est très perturbante pour la vie sociale d'un groupe de chimpanzés, hein. En particulier pour la vie sociale des petits, hein. Et donc l'une des tâches des guenons, hein, c'est de mettre leurs petits à l'abri qu'ils ne se fassent pas marcher dessus par dans le cadre des querelles entre mâles, des querelles de pouvoir, etc. Hein. Donc quelque part on peut parler de domination masculine de façon indirecte, hein, c'est-à-dire en rendant difficile la vie sociale des femelles et de leurs petits. Bon, alors, pourquoi c'est ça? Pourquoi c'est comme ça? J'ai peut-être pas fini sur les bonobos. Hein. Les femelles, quand elles se rencontrent, essayent plutôt de sympathiser. Elles ont une habitude homosexuelle, hein. C'est-à-dire que les femelles, les guenons bonobos, hein, souvent entretiennent pour se rapprocher, pour je sais pas quoi, échanger ce qu'elles ont à se dire, je sais pas si elles se disent des choses, mais enfin bref, hein, elles se mettent l'une contre l'autre et elles se frottent les clitoris. L'une l'autre, hein. On a enregistré des orgasmes, hein, en les observant, hein. Donc quelque chose qui a les caractéristiques observables de l'orgasme, hein, un peu comme chez les humains, hein. Mais cette coutume de frottement des clitoris, ça crée un lien, hein, un lien d'amitié, hein, donc c'est Et une des conséquences de cette capacité, c'est que d'abord, une aptitude à faire la paix assez rapidement, et aussi que chez les bonobos, les femelles sont souvent entre elles à s'entraider. Hein. Ce qui fait qu'il arrive qu'un mâle bonobo, comme son cousin, le mâle chimpanzé, essaye d'impressionner une femelle, voire essaye de la frapper, de lui foncer dessus, etc., la menace. Mais il ne va jamais jusqu'au bout. Hein. Et ce qui se passe, c'est que les femelles se défendent les unes les autres. Pourquoi est-ce qu'elles peuvent faire ça? Alors, il y a une explication qui est donnée par, je ne sais plus comment il s'appelle, par Richard Wrangham, hein, qui est que au niveau de leur régime alimentaire, les bonobos peuvent se nourrir par de la cueillette, de pousses, etc., qu'on n'a pas besoin de... Si vous voulez, on peut rester un groupe et trouver à manger. Hein. Alors que, par exemple, chez les orang-outans, il faut trouver des fruits qui sont un petit peu dispersés. Donc, chez les orang-outans, l'individu est souvent isolé. Hein. Et comme les mâles deviennent assez costauds du fait qu'ils rivalisent entre eux, qu'ils se battent entre eux, eh bien, on a souvent la situation d'une femelle orang-outan isolée, ou éventuellement avec son bébé, hein, qui va chercher des fruits, etc. Et puis qui se fait violer parce qu'elle est isolée et qu'elle rencontre un mâle beaucoup plus costaud qu'elle. Hein. Et le viol chez les orang-outans s'explique aussi par le fait que les orang-outans les plus costauds arrive à monopoliser un certain nombre de femelles, hein, 3 ou 4. Du coup, il y a des mâles qui n'arrivent pas à avoir une, on va dire, une épouse, hein, entre guillemets, et donc le viol est devenu une forme typique de sexualité chez les orang-outans. Hein. C'est les seuls parmi les primates. Mais vous voyez que chez les bonobos, c'est l'inverse. Les femelles sont très solidaires entre elles, hein, par leur regroupement alimentaire et par leurs habitudes homosexuelles. Et donc, on peut faire l'hypothèse que, au long de l'évolution, les mâles eux-mêmes ont appris, bon, c'est pas le mot, mais disons, le type de comportement qui donne un succès reproductif au mâle bonobo, ce n'est pas de s'imposer par la violence, comme c'est le cas souvent chez les chimpanzés, hein, mais c'est plutôt de se faire admettre par la séduction, le rendre service, etc. Hein. Ce qui fait que, résultat, on a une société où l'habitude, c'est autolimitation de la violence. Il y a quand même de la violence. Hein. Il y en a qui ont des traces de morsures sur les doigts, donc ça vient bien de quelque part. Hein. Il doit y avoir de la violence chez les bonobos, mais elle est très limitée. Et l'une des conséquences, c'est que lorsque deux groupes de bonobos sont sur des endroits, des territoires proches, hein, ils ne font pas la guerre. Ils font plutôt des cérémonies de réconciliation. Hein. Par exemple, quand il se trouve qu'ils sont en face l'un de l'autre, hein, un groupe de bonobos et le groupe voisin, eh bien, il est fréquent qu'une femelle influente dans la hiérarchie du prestige à l'intérieur du groupe, se dirige vers les autres et entame des embrassades avec son homologue d'en face, et que finalement ça se passe bien. Et, hein, donc, franchement, ouais, c'est le scénario Pocahontas. Hein, non, pourquoi se battre alors que ça peut marcher si bien, hein. Et résultat, aussi, hein, chez les bonobos, hein, on a l'impression que les mâles ont perdu l'instinct de tuer les bébés de leurs concurrents. Donc, peace and love, hein, make love, not war. Hein, Voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des compétitions, hein, bien sûr. Hein. Et hein, la grande tactique d'une femelle bonobo, c'est de favoriser son fils pour pouvoir gouverner en sous-main. Hein. Bon, allez, je continue. Alors, d'où ça vient, là, donc déjà, hein, on comprend que hein, il y a conflit, hein, il n'y a pas d'automatisme de la domination masculine, et par chance, hein, il y a les bonobos qui nous prouvent ça. Ouf, on n'est pas condamné à la domination masculine. Parce que, sans doute, beaucoup d'entre vous le savent peut-être, hein, les chimpanzés et les bonobos et les humains, y compris les humains actuels, Homo sapiens, hein, forment un trio de parmi ce qu'on appelle les grands singes, hein, qui sont très proches génétiquement. Hein. Il y a plus de distance génétique entre le chimpanzé et le gorille que entre le chimpanzé, l'humain et le bonobo, hein, ou la bonobette. C'est intéressant de voir que même chez nos cousins les plus proches parmi les espèces de grands singes actuellement vivants, hein, parce qu'il y a eu aussi beaucoup d'espèces humaines qui n'ont pas survécu, hein, dont les Néandertals, hein, mais il y en a eu aussi. Hein, eh bien, parmi ce groupe, eh bien, ma foi, il y a, à partir d'un héritage génétique très proche, hein, eh bien, vous avez l'option macho et l'option féministe. Hein, c'est rassurant. Hein. Alors les humains, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire? Plutôt bonobo ou plutôt chimpanzé? Ben, moi j'ai tendance à me dire que, bon, on a beaucoup d'instincts divers, hein, chez les humains. Hein, et donc, on a dans notre répertoire la capacité d'avoir ces deux comportements. Bon, ça ouvre le terrain à la politique, à la morale, etc., etc. Hein. Je dis ça, excusez-moi si c'est pour vous des évidences, hein, je m'amène avec mes gros sabots, hein, mais franchement, la référence à la biologie ne signifie pas que tout est réglé d'avance par les gènes. Hein. D'abord, les gènes, ça évolue, hein, il y a des mutations, etc. Et à partir du moment où on a des répertoires diversifiés, hein, eh bien, nous avons, nous, quand je dis nous, c'est par exemple les mammifères ou les oiseaux, nous avons une certaine liberté. Et chez les humains qui ont un cortex cérébral, un endroit où les impulsions des différents autres secteurs du cerveau sont recombinées, essayées imaginairement, etc. etc., hein, un cortex très développé, hein, on a un développement de ce qu'on appelle, comme vous le savez, la culture. Hein. Mais la culture existe déjà, hein, chez nos cousins, hein, selon les groupes locaux. Hein, vous avez des groupes locaux qui sont très autocratiques, hein, où il y a un tyran, hein, et puis vous avez des groupes locaux qui fonctionnent vraiment au consensus. Souvent, d'ailleurs, c'est l'influence des femelles, hein, qui vont favoriser plutôt les mâles pas trop violents. Hein. Mais bon, pas toujours. Hein. Il y en a aussi qui se mettent, pour ainsi dire, excusez-moi, du côté du manche, c'est-à-dire qu'ils vont favoriser le dominant. Hein, le dominant, en se disant comme ça, il va bien me défendre, il va bien défendre mes enfants. Bon. Alors, d'où ça vient tout ça? Bon, j'ai l'habitude de parler plus que prévu, mais enfin ça. Alors, explication. Alors, on sort du chapitre 1 et du chapitre 2, qui sont des chapitres avec beaucoup d'anecdotes, etc. Et on entre dans les chapitres 3 et 4, hein, où il y a vraiment une explication plus théorique. Hein. Comme vous le savez, à quoi sert la sexualité? Ben, sans doute, à l'origine, elle sert à produire, à se reproduire, mais pas exactement se reproduire. Hein, c'est-à-dire à produire des enfin, des enfants, quoi, une progéniture, hein, avec des progénitures composées d'individus qui sont un peu différents de leurs parents, puisque chacun de nous, nous avons la moitié de nos gènes qui nous viennent du père et génétique, et la moitié de nos gènes qui nous viennent de la mère, d'où des recombinaisons à chaque naissance d'un individu, et mis à part les vrais jumeaux, hein, chacun de nous a un départ dans la vie avec un stock génétique tout à fait différent. Hein, on vous dit ça. Hein, moi, c'est souvent l'explication de pourquoi il y a la sexualité. Hein. Mais pourquoi cette sexualité, pourquoi est-ce qu'il y a une différence des sexes, hein. Parce que c'est clair que depuis qu'il y a des gènes qui se baladent dans l'océan, hein, etc., c'est vrai qu'on produit de nouveaux gènes, des gènes qui se baladent, hein, qui sont pas forcément qui n'ont pas forcément construit un organisme. Hein. Donc depuis qu'il y a des organisations moléculaires capables de se maintenir un certain temps, et bon, bref, ce qu'on appelle les débuts de la vie. Hein. Depuis qu'il y a de la vie, il y a des échanges d'atomes, de morceaux de gènes, hein, entre plusieurs individus. Hein. Mais pourquoi est-ce qu'on a cet échange typique entre deux sexes, hein? Pour les personnes qui connaissent déjà, la raison c'est l'anisogamie. Alors, j'explique le mot. Gamme, comme dans gamète, ça veut dire mariage, reproduction, etc. Hein? Un gamète, c'est une cellule reproductive. Par exemple, c'est un spermatozoïde ou un ovule. Hein? Isogamie, iso, c'est le même. Hein. Je ne sais pas si c'est chez les champignons, je ne sais pas si c'est tous les champignons, ou si c'est certains, ou là, beaucoup de champignons. Hein. Il n'y a pas de... Enfin, il y a isogamie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des cellules mâles, des cellules reproductives mâles et femelles. Il y a des cellules reproductives qui sont les mêmes, hein, et simplement les champignons, ces cellules reproductives, elles sont dans les spores des champignons, hein, et elles donnent naissance à un mycélium, hein, c'est-à-dire à un réseau souterrain qui peut faire des centaines de mètres, hein, et ces mycéliums, si j'ai bien compris, parce que j'ai pas étudié ça à fond, hein, ça nous éloigne de nos problèmes de la domination masculine humaine, hein, mais mycélium. Voilà, hein. Donc il y a des accouplements entre mycélium et grâce à ces cellules reproductives, hein. Alors, on peut dire qu'il y a un seul sexe chez les champignons, hein, chez ces champignons-là. Je ne sais pas s'il y en a qui sont aussi anisogames. Hein. Tous les gamètes sont pareils. Ou alors, on peut dire, c'est vrai qu'il y a certains gamètes qui ont plus d'affinité avec d'autres gamètes. Hein. Et dans ce cas-là, hein, je ne sais plus si c'est lui, si c'est l'OD ou si c'est un autre. Non, c'est un autre qui a dit « Ouais, bon, ben, c'est chez champignons, il y a quoi ? Il y a peut-être 300 sexes. Hein. » C'est-à-dire 300 types de gamètes, à peu près, hein, qui vont petit a va préférentiellement s'accoupler avec le gamète petit w, mais elle ne pourra pas s'accoupler plus tellement avec le z ou le f, bon, etc. Hein. Mais pourquoi est-ce qu'il y a deux sexes finalement, hein? Parce que ça nous semble évident qu'il y a deux sexes, parce que c'est ce qu'on voit tout le temps, hein? Sauf évidemment de temps en temps on tombe sur un intersexe. Hein, bon, il y en a quelques centaines qui naissent chaque année, hein, mais ils ne peuvent pas se reproduire. Hein, c'est l'une des variantes de l'époque. Hein, qu'est-ce que j'ai dit de, pas l'époque, de la, de l'espèce. C'est l'une des variantes de l'espèce, hein, les intersexes, mais ils n'ont pas de succès reproductif. Hein. Ils peuvent avoir un succès social, on est content de les avoir. Comme disait l'un d'eux qui a écrit un roman, je ne suis pas un monstre, je suis une merveille. Hein. Je vous fais cette petite parenthèse pour vous dire qu'il arrive dans le bouquin que je fasse des petites incursions dans des questions sur lesquelles on a trop de préjugés. Hein. Dire que les intersexes, c'est des gens qui ne sont pas normaux, ils ne sont pas normaux, d'accord, ils ne correspondent pas à la grande majorité, ou bon, en général, vous êtes soit un homme, soit une femme, hein, vous n'êtes pas intermédiaire, mais il y a des intermédiaires dus à des petites erreurs d'aiguillage lors de la construction de l'embryon, etc. Hein. Des variations. Plutôt que des erreurs, oui, c'est péjoratif. C'est pour ça que tu dis ça, ouais, oui, bon. Hein. Bon, allez, je... C'est bon, dans ton sens. Ouais, merci. Donc, je... Ah oui, oh là là. Pouh. Bon. Tu veux que je te pose une question ? Ouais, je sais pas. Non, mais j'essaye de finir avec ça. Hein. Bon, or, il y a des mâles et des femelles. Quelle est la différence ? Je justifie pas. C'est que les mâles sont des fabricants, sont des organismes fabricants de spermatozoïdes. Les femelles sont des organismes fabricants d'ovules. Comment est-ce que ça a pu se passer ? Vous comprenez que, bon, toutes sortes de microbes, etc., peuvent à un moment donné se transformer en gamètes. C'est-à-dire, au lieu d'une cellule qui se contente de vivre comme cellule, ça va être une cellule qui est capable de se reproduire, quoi, hein, de produire un être nouveau. Hein. Mais vous comprenez facilement que un organisme qui est capable de construire une grosse cellule reproductive, hein, un gros gamète, avec bien sûr dans le noyau toutes sortes de matériel génétique, possiblement transmissible à la génération suivante, mais tout autour beaucoup de nutriments qui vont permettre la croissance de la progéniture. Vous y êtes ? Un gamète qui est gros parce qu'il est plein de nutriments, ça s'appelle un ovule. Bon. Donc on comprend pourquoi des ovules sont apparus dans l'histoire de l'évolution du vivant. Hein. Seulement à partir du moment où il y a des gamètes ovules, des gros gamètes. Imaginez, hein, bon, j'arrête de faire le pitre. Hein. Imaginez que par suite d'une mutation génétique, eh bien, il y a un organisme qui devienne capable de faire un petit gamète, avec presque pas de nutriments, mais par contre assez mobile, hein, pour des tas de raisons. Par exemple, tiens, il va lui pousser un flagelle. Hein. Ça, c'est la définition du spermatozoïde. Hein. Et puis, comme il est petit, on peut en fabriquer beaucoup. Hein. Alors, c'est vrai qu'il y a un écart entre le nombre d'ovules qui sont fabriqués et le nombre de spermatozoïdes. Hein. Un ovule, les copines qui sont là, bah, vous en faites à peu près un par mois, quoi. Des fois deux, voilà. Et puis, bon, par contre, les copains, là, comme vous savez, hein, on en fait des millions. Hein. Ça ne coûte pas plus cher, vu que... oui, voilà. Hein. Mais, du coup, hein, ça crée une relation complètement asymétrique entre un groupe d'organismes qui va produire un nombre limité de gamètes, hein, et un autre groupe d'organismes qu'on va appeler les mâles, hein, qui sont capables d'envoyer vers l'avenir des millions et des millions de gamètes, hein, et donc comportements différents. Qu'est-ce qui permet le succès reproductif d'un mâle ou d'une femelle, et donc qu'est-ce qui aura été retenu par la sélection naturelle? Pour les femelles, c'est de ne pas trop gaspiller leurs rares ovules, hein, et de ne pas essayer de faire trop de petits. Hein. Pourquoi ? Parce que y a un stock. La femelle qui s'accouple avec n'importe quel mâle, elle risque de gaspiller ses rares ovules, rares et chers, hein, qu'il a fallu fabriquer avec beaucoup d'énergie, etc. Et finalement, de ne pas avoir une grande reproduction, c'est-à-dire une grande présence de ces gènes dans les générations futures. Par contre, un mâle qui est trop sélectif, c'est pas intéressant du point de vue reproductif. Hein. Un mâle, plus il ensemence un grand nombre de partenaires femelles, évidemment, il faut qu'il y ait des femelles, parce que sans nutriments, vos gènes, ils vont pas donner lieu à un nouvel être. Hein. Et ça a des conséquences. Hein, sur le comportement, c'est-à-dire que la sélection naturelle a retenu plutôt chez les mâles la recherche de la quantité, hein, et plutôt chez les femelles la recherche de la qualité. Pas la peine de s'accoupler avec un nombre trop élevé, il faut quand même de la diversité, hein, si vous voulez pas mettre vos gènes dans le même panier. Hein. Il faut de la diversité, mais c'est pas la peine d'en avoir trop. Tandis que les mâles, ils peuvent ensemencer toutes sortes de femelles. Donc, l'offre et la demande ne sont pas symétriques. Il y a globalement... Après, il y a des contre-tendances. Hein. Je vais m'arrêter, mais il faut tenir compte des contre-tendances. Hein. Par exemple, chez les chimpanzés, hein, les femelles ont intérêt à quand même se livrer à des copulations avec un grand nombre de mâles. Pourquoi ? Parce que les mâles ont l'instinct de ne pas tuer les petits des femelles avec lesquelles ils se sont préalablement accouplés. On comprend pourquoi la sélection naturelle a retenu ce type d'instinct. Hein. Et en réponse à cela, les femelles ont comme instinct de créer un lien sexuel avec quand même un certain nombre de mâles, de façon à avoir des amis, des protecteurs, etc. Hein, face aux mâles qui risqueraient de venir bouffer le petit. Hein. Vous voyez, donc ça c'est de la théorie. Hein. Il faudrait la discuter, hein, mais je suis allé directement à... Et donc, on a là l'origine d'une conflictualité structurelle, hein, entre des femelles plutôt tournées vers la protection, vers ce qu'on appelle le care, prendre soin de, hein, vers la paix sociale, hein, et des mâles plutôt intéressé par la prise de risque, la multiplication des partenaires, des choses comme ça. Ce qui fait que les mâles et les femelles, à la base, n'ont pas la même organisation du désir. Alors, attention, il faut être très prudent. Comme je vous l'ai montré à propos des femelles chimpanzés, hein, il y a aussi une tendance à la multiplication des partenaires de la part des femelles. Cette tendance existe, elle est moins développée que chez les mâles. Hein. Mais vous voyez, et puis d'autre part, hein, j'ai photocopié, c'est un petit chapitre que je pensais mettre dans le livre, puis que finalement je n'ai pas mis parce qu'il répète et il résume des choses qu'il y a dans les autres chapitres. Hein. Mais c'est une... Si vous voulez, vous pourrez en prendre, j'en ai photocopié 5, mais ils sont dans ma page de travail du site Mille Babord, hein, page de travail qui est indiquée au début de ce petit document. Hein. Donc, aussi sur là-dessus. Ah oui, voilà. Hein. Donc, ce que je veux dire, c'est que j'ai... J'ai rédigé un petit chapitre plus court qui s'intitule « Quelle est l'origine des stéréotypes de la Madone et la salope ?» Hein, l'épouse idéale et la traînée, la pute, etc. Hein, quelle est l'origine de ces stéréotypes ? On voit que les mâles humains, ce qu'ils recherchent dans la sexualité, c'est du... ce qu'ils recherchent, ce qu'on suppose que leurs gènes les amènent à rechercher, ça c'est de la sociobiologie. Hein. Et la sociobiologie, c'est pas ce que vous croyez. Elle a connu des modifications de ses débats internes. Si vous voulez, je vous dirai où on trouve ça. Hein. Mais, je veux dire, le mâle humain, hein, il a, vis-à-vis d'une femelle, enfin d'une femme, il a deux tendances qui sont un peu... Elles sont parfois mélangées. Hein, la tendance à chercher une femme soumise, fiable, bonne reproductrice, ouais, vis-à-vis de laquelle on peut avoir le sentiment qu'on appelle l'amour, hein, et pas seulement de la camaraderie, etc., mais l'amour. Hein. Et puis, d'autre part, la salope, la nana qu'on drague un soir, et puis surtout, on fait pas de projet, je veux dire, on s'enfuit, hein, au cas où elle soit enceinte, on n'insiste pas, hein, etc., etc. Hein. Et avec l'idéologie religieuse, donc l'une, ce sera l'épouse parfaite, même l'épouse pure, hein, la Vierge Mère, hein, dans le christianisme. Hein. Et puis l'autre, ce sera la traînée, la salope, salope, hein, sale. Hein. Donc celle qu'on se permet de mépriser, etc., etc. Mais vous voyez que dans un truc qui est un truc très connu, si vous avez une culture féministe, vous savez bien qu'il y a cette division en deux. Hein, au lieu de comprendre qu'il y a ces deux potentialités, bien sûr, chez une femme, et que pourquoi pas qu'elle se combine, etc. Hein, dans l'idéologie patriarcale, proprement patriarcale, pas n'importe quelle domination, hein, il y a cette division des femmes en deux catégories, qui est un énorme piège. Hein, si vous ne tenez pas votre rang, c'est que vous êtes une salope. Et puis si vous laissez séduire... Vous inquiétez pas pour le CEMA. Comment ? Vous inquiétez pas pour le CEMA. Ouais. Donc avançons parce que... Avançons. Ah, oui, pardon. Je vous en prie. D'accord. Je vais arrêter. Hein, parce que je pensais vous parler de qu'est-ce qu'il en advient spécialement dans l'espèce humaine, hein, avec des facteurs de domination masculine ou de résistance féminine qui ne sont pas connus dans les autres espèces, hein, notamment l'importance des techniques, hein, techniques militaires, mais aussi les techniques qui permettent la mise en œuvre d'une division du travail, hein, qui va être utilisée pour dominer les femmes, mais qui n'est pas l'origine de la domination masculine. Hein. Contrairement à ce que croient un certain nombre de chercheurs marxistes, par ailleurs, qui ont compris et développé, hein, l'importance de la division sociale du travail dans les rapports hommes-femmes. Hein. Oui, mais cette division sociale du travail vient se greffer sur une opposition des stratégies sexuelles et imaginaires, hein, sexuelles imaginaires. Hein. Donc j'ai pas le temps de développer sur quelles sont les particularités de ces formes de domination très particulières qu'on appelle le patriarcat. Hein. Et comment le patriarcat a aussi une capacité redoutable à se reproduire lui-même. Hein, et qu'à l'époque actuelle où nous sommes, depuis deux siècles par là, hein, où nous sommes dans une phase de décomposition de la puissance patriarcale, par exemple maintenant les femmes ont le droit de vote, hein, avant c'était même pas question, hein, mais cette décomposition, il ne faut pas croire que qu'elle va nous emmener de façon heureuse vers une société de l'égalité. Non, à chaque instant, la recomposition du patriarcat est à l'œuvre. Alliance entre les frères, et puis les frères, quand ils font des enfants, ben, c'est l'autorité des pères. Hein. Voilà. Je n'ai fait qu'une petite partie de ce que je voulais vous raconter, mais voilà. Comment est-ce que, si vous voulez, les deux derniers chapitres, il y en a un, c'est finalement, je rassemble tout ce que j'ai réussi à comprendre. Je suis pas un scientifique. Hein. Mais je voudrais que les scientifiques nous expliquent un peu plus les conséquences sociales de leur découverte. Hein. Et je n'aurais pas été, moi, à aller chercher dans des bouquins où ce n'était pas expliqué pour les profanes. Hein. Mais l'avant-dernier chapitre, c'est un bilan de tout ce que je pense être, tout ce que j'ai trouvé comme étant les traces, les marques, les influences du conflit homme-femme dans l'organisation capitaliste. Hein. Par exemple, de même que un homme peut avoir une illimitation de son désir, de toute façon, des spermatozoïdes, il en a à revendre, entre guillemets. Hein. De même, il y a dans le capitalisme un outil d'illimitation des désirs. Hein. C'est la monnaie et le capital comme accumulation de monnaie qui permet d'acheter tout et n'importe quoi. Chose qui n'existe pas de la même façon dans le mode de production féodal, etc. Hein. Mais il y a d'autres choses. Hein. Il y a la division du travail. Hein. Voilà. Hein. Le livre de Christophe Dejour hein, sur la souffrance en France, c'est un travail sur la gestion des salariés et dans les conditions entre guillemets, beaucoup de guillemets néolibérales, hein, il montre hein, comment il y a des tactiques pour pousser des salariés à dominer d'autres salariés, à désigner à l'avance les charrettes de licenciement, etc. etc. Hein. Mais dans l'explication de comment ça fonctionne dans l'esprit des cadres qui mettent en œuvre ce travail, hein, Christophe Dejour, qui est un psychanalyste et aussi un sociologue du travail, eh bien, il va passer, je ne sais plus, mais quelque chose comme un tiers du bouquin, hein, à montrer l'importance de la virilité, hein, de la compétition dans celui qui sera le plus viril, c'est-à-dire tout simplement le plus sadique dans les modes de gestion qui s'opposent à la gestion plus patriarcale d'autrefois. Hein. Donc il y a toute une. Je ne pense pas que le capitalisme soit tout simplement dans le prolongement de la domination masculine. Hein. Il y a des gens qui pensent ça. Je pense que c'est plus complexe que ça. Hein. Il y a des aspects féministes dans le capitalisme. Hein. Les patrons, s'ils peuvent embaucher des femmes au lieu d'embaucher des hommes et puis se disent ça coûte moins cher, ils vont embaucher des femmes. Et il y a des femmes qui vont trouver que c'est une possibilité d'échapper à la tutelle de leur père ou de leur mari. Donc le capitalisme a des aspects féministes. Hein. Et le capitalisme, je ne développe pas. Hein. Donc il n'y a pas. J'ai essayé d'analyser les points communs. Et le dernier chapitre, c'est sur l'écoféminisme. Quoi de commun entre le fait de se battre pour la condition des femmes ou de se battre en tant que femme, et puis d'un autre côté, prendre soin des écosystèmes, essayer d'éviter l'extermination des espèces par les catastrophes climatiques, hein. Eh bien, tout être humain peut comprendre l'écologie, hein. Mais la tendance à protéger l'équilibre de la société, l'harmonie entre la société et les écosystèmes naturels, hein, ça correspond mieux à l'héritage culturel et sans doute instinctif des femmes. Hein. C'est-à-dire, je pense que le féminisme n'est pas seulement une question d'égalité. Hein. c'est bien de se battre pour l'égalité. Hein. Les inégalités sont toujours la preuve qu'il y a une domination. Hein. Donc il faut être très attentif contre les inégalités. Je suis d'accord avec ça. Hein. Mais le féminisme, c'est tout à fait autre chose. Hein. C'est penser une nouvelle civilisation par une meilleure compréhension, même une compréhension tripale et en même temps intellectuelle, de comment nous sommes en tant qu'êtres vivants. Et cette compréhension, il faut comprendre ce qui se passe dans la tête des femmes. Et il faut du féminisme pour cette compréhension écologique. Hein. C'est ce que j'ai développé à la fin. Voilà, excusez-moi. J'ai pas parlé de la parentalité. Oui, ton bouquin, t'as dit qu'il y avait 4 bouquins dedans. Donc, oui, il faudrait 4 causeries, ou il faut que tu trouves les autres mieux. Hein. Mais je veux dire, si vous voulez un truc qui est plus court, hein, vous pouvez m'emprunter celui-ci. Si vous souhaitez continuer ça sous forme de travail, parce que il y a aussi des choses dont je ne me suis pas occupé. Par exemple, le black féminisme, je l'ai rencontré après. Hein. L'idée qu'on ne comprend pas l'esclavage, il y a une brésilienne qui a écrit un bouquin là-dessus. On ne comprend pas l'esclavage si on ne comprend pas la volonté de domination masculine sur les femmes de l'autre groupe, concrètement sur les noirs. Hein. Bon, etc. Hein. Je veux dire, si ça vous intéresse, hein, moi j'avais fait partie d'un groupe de travail féministe dans le cadre de l'association Mille Babord. Hein, je suis preneur. Hein, voilà, on peut. Je voudrais bien qu'on puisse rebondir. On va laisser la parole à Catherine. Un homme qui parle des femmes, c'est bien. Tu as une opinion sur son bouquin? Alors ben. Je vais repartir un peu sur les généralités. Il y a un sociologue américain qui s'appelle Michael Kimmel, qui travaille sur la sociologie du genre, qui explique dans une de ses conférences que les privilèges sont impossibles, sont invisibles pour ceux qui les possèdent. Donc, eh ben, être un homme occidental blanc avec un bon niveau d'études, te classe automatiquement dans le groupe des très grands privilégiés. Hein. Beaucoup de femmes ont conscience qu'être un homme, tout simplement, c'est déjà être classé dans un groupe de privilégiés. Et finalement, moi, je me dis, qu'est-ce qui fait qu'un homme devient féministe ? Parce que tu es le seul homme que je connaisse qui soit vraiment féministe, même si on n'est pas rentré dans le cœur du sujet, en fait. On est sur la genèse de ce que peut être le féminisme, dans ce que tu as développé. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'un homme devient féministe ? Est-ce que c'est un projet politique, en fait, pour toi ? J'ai pas trop envie parce que je vois qu'on a déjà pris pas mal de temps. Moi, je dirais, je comprends pas qu'on ne puisse pas être féministe. Je veux dire, franchement, je sais pas. Est-ce qu'il y en a qui comprennent qu'on puisse ne pas être féministe ici ? Non, mais si on réfléchit un peu. Ceux qui veulent continuer la domination, oui, ils sont pas féministes. Oui, oui, mais. Une question bête, ça serait intéressant que tu dises. Quand tu dis je comprends pas qu'on puisse pas être féministe, ça veut dire qu'on puisse pas quoi ? Ça veut dire pour toi, ça veut dire quoi être féministe que je remarque ? Quand j'avais à peu près 20 ans, je sais pas, quand il y avait un petit désaccord quelconque avec ma copine, j'essayais de lui démontrer qu'elle avait tort. C'était parce que divergence, hein. Si elle me démontrait que j'avais tort, j'étais d'accord, hein, et je me suis rendu compte après que les façons de juger ce qui est bien et mal, hein, c'est pas seulement de la démonstration, hein. Je me suis rendu compte que j'avais même de bonne volonté, hein, j'étais en train d'utiliser une sorte de privilège de la démonstration à tout point, etc., que je m'étais moi-même blindé contre les souffrances qu'il peut y avoir à accepter telle ou telle chose, quand on pense que, je sais pas moi, dans le militantisme, bon, il y a des trucs qui ne plaisent pas, mais bon, on est pour une bonne cause, hein, que je m'étais blindé. Et donc je me suis rendu compte que voilà. Et puis quand j'ai vu que que moi-même je pouvais, dans une lettre à une copine, en disant mais ça c'est vraiment une fois de plus comme la sensiblerie féminine, j'ai pu écrire ça. Puis après je me suis dit mais t'as rien compris, quoi. Si elle éprouve quelque chose, ben c'est peut-être qu'il y a peut-être une raison, etc. Donc pour moi c'est plutôt la relation personnelle qui m'a amené à ça, et plus le débat. Moi j'étais à la Ligue communiste à cette époque-là. Je me souviens avoir prêché que nous ne sommes pas pour la formule mon ventre m'appartient. Hein. Moi je lui ai dit carrément, mais enfin fondamentalement ton ventre il t'appartient pas, il faut que la société appartienne à la classe ouvrière, j'ai déjà défendu ça, hein. Etc. 3 mois plus tard, l'ensemble du mouvement avait basculé vers le féminisme en disant on se rend compte, parce qu'il y a des preuves, que la domination masculine a commencé avant la domination de classe, etc., etc. Donc voilà, et je m'étais en gros contenté de ça, et disons voilà, j'avais beaucoup été, alors ça c'est un peu plus tard, c'est en début 80, des années 80, le livre de Annie Leclerc, Paroles de femmes, hein, que il y a une sensibilité, il y a une etc., hein, et que donc Mais c'est lié aussi à un travail philosophique sur la philosophie de Lévinas, comprendre que autrui est un infini, inépuisable, etc. Voilà. Je dis pas que voilà, j'avais dit que j'en parlerais pas, mais bon, je parle de moi là, hein. Mais voilà, pour dire que c'est plutôt ça. Voilà, hein. Et je me suis rendu compte que je faisais du mal à des personnes en considérant l'individu comme un individu humain et pas comme un individu humain ayant disons une façon de percevoir les choses qui est sexuelle, quoi. Donc voilà. Dans ton livre aussi, tu mets beaucoup l'accent sur l'exploitation domestique des femmes, hein, la répartition des tâches, c'est le cœur, presque le cœur du sujet, et aussi l'exploitation dans l'entreprise. Et tu cites les chiffres de Christine Delpy, et moi j'ai trouvé ça que c'était extrêmement parlant, ça. Elle donne des chiffres sur, elle mesure le temps donné aux tâches domestiques suivant qu'on est un homme ou une femme. Et donc, deux personnes célibataires, une femme va passer 2h15 en moyenne dans les tâches domestiques, un homme, 2h15. Donc, grosso modo, on va dire que les célibataires passent à peu près un temps équivalent. À partir du moment où les gens se mettent en couple, il y a une disproportion qui s'organise tout de suite en moyenne. Donc, un couple hétéro sans enfant, la femme, de 2h15, elle passe à 3h15, et l'homme, de 2h15, il passe à 1h15. Donc, la tâche de la femme augmente automatiquement, celle de l'homme diminue. Et quand le couple hétéro a des enfants, la charge de la femme augmente encore, elle passe à 4h30 par jour, celle de l'homme reste stable, 1h15. Avec 2 enfants, la charge de la femme augmente encore, 4h55, celle de l'homme ne bouge pas, 1h15, et à 3 enfants, on arrive à 5h30 contre 1h15. Donc tout ce temps et toute cette énergie, participe évidemment de la domination masculine, parce que quand on est occupé d'un côté, on ne peut pas être occupé à militer, faire de la politique et gagner encore plus d'argent, parce que les réunions se passent à 8h du soir, donc ça, on est d'accord. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec ça, quoi ? Moi, je connais beaucoup de femmes, de jeunes femmes, où les deux travaillent et à un moment se pose la question de payer une femme de ménage. Et je ne peux pas faire des statistiques sur trois, mais enfin bon, je connais trois personnes où le garçon a dit non, c'est trop cher. Mais on est dans le stéréotype, et le stéréotype, c'est quand même une part de vérité, même si ce n'est pas toute la vérité. Hein. Voilà. Donc, et je connais aussi beaucoup de jeunes femmes qui prennent une journée dans la semaine pour ne pas travailler, pour faire les courses, le ménage et s'occuper des enfants. Donc elles ont moins d'argent et elles seront pénalisées aussi à long terme à la retraite. Donc en fait, pour moi, il y a une notion d'égalité qui doit être complétée avec la notion d'équité. Et là, on est au cœur de quelque chose qui ne peut pas être équitable, en fait. Parce que, par exemple, si on parle d'égalité, la retraite, on a tous la même retraite si on a eu le même salaire, qu'on a travaillé le même temps de travail. Mais si les femmes travaillent moins, voilà, on est dans une inéquité. Est-ce que la société et les entreprises seraient prêtes à accepter qu'il y ait une vraie porosité des rôles et qu'un homme puisse, par exemple, si on ne travaille pas un jour par semaine, ben une semaine c'est l'un, une semaine c'est l'autre, et du coup on serait vraiment sur un truc qui roule. Aujourd'hui, c'est pas du tout comme ça, et c'est pas un combat d'arrière-garde, parce que c'est les jeunes couples aujourd'hui qui fonctionnent aussi comme ça. Donc, tu as une idée de comment on peut sortir de ce toujours cloisonnement de 70% des filles qui... 70% de la charge travail domestique et mentale, ce sont les femmes qui le font encore aujourd'hui. Et donc, le capital... Moi, ce que je trouve intéressant dans ton livre, c'est que tu dis que, en fait, évidemment, si cette charge de travail n'était pas gratuite et prise par les femmes, ça voudrait dire que le salaire devrait augmenter, parce que si on va manger au restaurant, si on paye la nounou, si on paye des activités, ça coûte plus cher, donc le salaire doit être augmenté. Donc, est-ce qu'on peut dire que... Toi, tu dis que le capitalisme est féministe, moi, je dirais que non. Il l'est un peu. Il n'est pas... Parce qu'aujourd'hui, si on doit payer plus de salaires pour pouvoir payer plus de services, alors qu'aujourd'hui, ce service est rendu gratuitement, est-ce qu'on est prêt à augmenter les salaires ? Est-ce que ça fait partie des... C'est le même problème avec les aidants. Avec ? Les aidants. Les oui, c'est aidants. Exactement ça. Moi, je parle que ce soit les enfants, les adultes âgés, les gens malades... Mais moi, ce que j'entends aussi, quand même, je dis, il y a quelque chose que j'attendais dans cette histoire de partage inéquitable des rôles dans la famille, en fait, hein, dans le couple et dans la famille, c'est quand même la question de l'identification aux parents. Quand même. De l'identification aux parents, oui, bah, oui. La reproduction. Ah oui, oui, la reproduction. Quand même, exemple, je ne peux pas faire de la psychologie de... on a quand même on est quand même construit par rapport aux parents qu'on a eus et par rapport à ce qu'on a vu. Alors on peut être absolument contre, mais on peut aussi suivre un exemple. Ouais. Allez-y toutes les deux. Chacun son tour. On n'a pas l'exemple, je pense. Oui, je continuais sur la réflexion sur le travail des femmes, mais finalement le capitalisme s'est bien nourri du travail gratuit des femmes. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Et ils s'en nourrissent encore. Voilà, ils s'en nourrissent encore. Oui, oui. Et c'est vrai que à partir du moment où elles ont acquis, donc je vais là dans votre sens, un travail rémunéré, ça a été une sorte d'accès à une certaine indépendance, c'est vrai. Mais c'est très limité. Oui, c'est le début de quelque chose. C'est le début de quelque chose. Du coup, excusez-moi, est-ce que ce n'est pas lié à ce qu'on vient de démontrer, c'est-à-dire le côté naturel qui est que les femelles s'occupent de la protection des petits? Moi, c'est ce qui m'inquiète hein, dans ce que vous venez de raconter, parce que, ma foi... ça a été la justification des hommes pendant très longtemps. C'est naturel. Je voudrais répondre à ça. Hein. Mais bon, il y a d'autres personnes. Mais vous finissez peut-être. Oui, mais. Ouais. Moi, j'ai bien aimé cette approche partant de la biologie des primates et tout, parce que ça correspond un peu à l'idée que j'avais au début. Et effectivement, je pense que la question de la protection de la génération suivante est une question importante, parce que c'est vrai que, surtout quand c'est des tout petits, il n'y a quasiment que la femme qui peut s'en occuper pour allaiter, hein, pour un certain nombre de choses. Changer les couches. Mais non, ça n'a rien de naturel, ça. Mais il y a des choses. Et la grossesse, etc. Bon, la grossesse, ok, mais le reste, voilà. Non. Hein. Les biberons. Il y a un autre constat que j'ai fait aussi. Je constate que chez les mammifères, en particulier, les femelles sont plus petites que les mâles. Non, pas chez les tortues. Pas toujours. Il a dit les mammifères. Généralement. Il a dit mammifères. Mais d'ailleurs, si vous couple dans la rue, il y a des aversions, mais la majorité. Mais ça correspond à une chose très simple. Si on pense les animaux à quatre pattes, pour l'acte sexuel, il vaut mieux que la femelle soit petite. N'importe quoi. Bien sûr, c'est ce que je pense. On peut se poser la question, par exemple, effectivement, oui. En moyenne. Elles sont. Alors, je continue. Oui. C'est trop long. Mais, du point de vue musculature, le mâle est souvent plus. 30%. 30%. Plus musclé. Oui, en moyenne. En moyenne. Vous avez quand même dire. Et ça joue aussi sur les questions de domination. C'est une conséquence du conflit. Merci. À l'échelle de l'évolution. En fait, c'est une réponse. Et d'autre part, les femmes sont plus résistantes aux maladies. Et d'ailleurs, elles vivent plus longtemps que nous. Hein. Ils ont fumé moins. Il y a une histoire de conduite à risque. Ce que je voudrais dire, c'est que pour surmonter ces. Qui sont très animales de toute façon, c'est dans l'évolution sociale, effectivement, il y a un effort à faire social, c'est un qui nous passe au-delà de ça et qui protégerait d'ailleurs la progéniture de manière plus globale, hein, c'est effectivement cette collaboration homme-femme, voilà, moi, c'est ce que je pense. Et je pense aussi qu'effectivement, c'est une des solutions, c'est pas simple, mais une des premières choses à faire, c'est que quand on a les enfants, qu'ils soient garçons ou filles, on leur fasse faire les mêmes tâches à la maison. Hein? C'est vrai. Si ça, on commence par là, ça sera plus simple. Merci. Je peux peut-être répondre. Oui. Alors, dans le chapitre que j'ai fait là-dessus, je n'ai pas dit un mot. Vous l'avez pas. J'ai fait très attention. Non, mais par écrit. Oui. Mais c'est vrai que ça peut paraître dans le chapitre naturel. Et qu'il y a des sociologues, notamment italiennes, qui utilisent ce concept-là comme une justification. De ce qui nous arrive comment on essaye d'avancer dans la série les hommes sont plus grands que les femmes même si vous l'avez pas dit ça peut venir en justification bien sûr. Peut être complètement renversé oui non mais Voilà, hein. il y a une féministe dont je n'ai pas enregistré vraiment le nom qui a dit la biologie c'est le destin. Hein. Et surtout, la biologie, pas la biologie biologique, la science, hein, mais la nature telle que les réacs se la représentent. Hein. C'est sûr que, bon, moi je ne suis pas d'accord avec Simone de Beauvoir quand elle va dire qu'on est comme des purs sujets qui prennent des décisions comme si on n'avait pas de corps masculin ou féminin. Bon. Mais quand même, elle a eu raison de dire ou Sartre a eu raison de dire il n'y a pas de nature humaine parce que c'était la volonté de ne pas se laisser impressionner par la vision réac de la nature, hein. Moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Maintenant, il est vrai que notre culture n'est pas sortie de rien. Donc, je dis qu'il ne faut pas avoir peur de tenir compte d'aspects culturels, d'aspects naturels. C'est d'ailleurs le titre qu'on a. Instinctuel. Oui, mais j'ai préféré ne pas en parler parce que si les chimpanzés sont capables de materner un petit quand il le faut, hein, et pourtant ils ont, hein, pour la plupart de tout le reste de leur comportement, hein, ils sont vraiment machos, hein, et ben nous qui sommes des êtres humains, hein, en prenant le modèle sur, par exemple, les pygmées Aka, hein, où pour la chasse, ils font de la chasse avec des filets hein, pour traquer les animaux. Hein. Les hommes et les femmes y participent, hein, pour s'occuper des petits, hein, le faire téter au sein pour le calmer. Les hommes y participent. Bon, ils ne font pas de lait. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que, bon, il y a effectivement encore une inégalité, mais c'est une inégalité qui est tout à fait supportable et qui n'est pas désagréable, etc. Hein. Les pygmées Aka du centre de l'Afrique réalisent le partage équitable des... Hein. Donc, j'insiste là-dessus. Hein. Voilà. Moi, je reviendrai bien sur quelque chose. Attends, juste avant que j'avais la parole. Les facteurs sont complexes. Hein. Il y a des facteurs tout à fait rationnels. Quand on voit la différence de salaire, ça peut valoir le coup que ce soit la femme qui travaille moins et l'homme qui travaille plus. Hein. Mais ça veut dire qu'on entérine une injustice initiale et puis ben, on fait avec et on la reproduit. Donc, bon, je dirais aussi, il y a le sociologue, comment il s'appelle, Welserlang, je ne sais plus son prénom. Bon, bref, mais Welserlang, dans le bouquin qui s'intitule « Nous, les mecs », hein, il examine un petit peu ce qu'il en est de la condition masculine, hein, et il dit que les hommes doivent faire la plus grande partie du travail vers l'égalité dans les travaux domestiques, mais les femmes doivent en faire aussi une partie, que souvent les femmes intériorisent l'idée de l'intérieur nickel et tout, qui en fait n'est réalisable que par les femmes bourgeoises qui ont des domestiques. Ça se passe beaucoup plus loin, on peut parler du domestique tant qu'on veut, mais c'est beaucoup plus loin. C'est-à-dire que notre relation homme-femme, elle est compliquée au-delà du domestique, excusez-moi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réduire nos relations homme-femme à notre perception du domestique. Mais là, on était en train de parler du travail domestique. Hein, mais le reste, je suis d'accord, évidemment. Je suis d'accord. Ça réduit beaucoup trop. Non. C'est des choses beaucoup plus profondes qui font qu'on est à essayer de se connecter, de se comprendre. Enfin, oui. C'est effectivement, en fait, on parle. Oui. Peut-être, excuse-moi, je voudrais mentionner une écoféministe actuelle, hein, qui s'appelle Nicole Relins, hein, qui a écrit Manifeste pour la décolonisation de l'humanité femelle. 5 tomes. Bon, faut le faire. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que le début, hein, c'est comprendre ce qu'est ce qu'elle appelle la femellité. Hein. L'être femelle, l'être dans un corps femelle. Je suis d'accord que... J'ai écrit un petit article là-dessus pour dire que effectivement on a besoin, pour bien comprendre la condition humaine en général, comme être enraciné dans la nature, hein, on a besoin de connaître l'expérience de la femellité. Même si, moi, j'ai pas envie qu'un jour des technologies complètement délirantes me permettent d'être moi-même enceint. Hein, ne faisons pas les apprentis sorciers. Hein, mais utilisons notre empathie pour comprendre que pour comprendre l'être humain, hein, il ne faut pas en comprendre que la moitié. Hein. Donc, le féminisme est, pour moi, il y a tout ça, hein, pour répondre à la question. C'est pas seulement recherche de balance entre le boulot de l'un et le boulot de l'autre. Je suis d'accord. Joseph. Au-delà de l'égalité, pour moi, il y a l'équité. C'est un mot qui est beaucoup plus intéressant à tout point de vue, parce que l'égalité, c'est le grand mensonge permanent. Le capitalisme, quand on veut se battre pour avoir une position de travail mieux payée, on peut dire dans le capitalisme, on va y rester à vie. Il ne faut pas rêver, quoi. Parce que, je veux dire, on ne va pas parler d'anticapitalisme, mais en faire sans arrêt notre sauce, en parler sans arrêt, mon travail n'est pas payé, mais si c'est un travail, c'est déjà dans le capitalisme. Enfin, il y a un moment donné, il faut arriver, si on veut vraiment s'interroger profondément sur ces sujets-là, il faut casser ces modèles dans chacun de nous. Il y a un très beau petit livre qui parle de la guerre du Mali. Son titre, c'était « L'homme ne se grandit que dans la paix, il faut tuer la guerre ». À ça, moi, j'ai préféré réécrire le titre, je vais le proposer aux auteurs. C'est « La personne humaine ». Comme ça, on englobe tout le monde et on arrête ces conneries. Féminité, masculinité, c'est un grand mensonge aussi, je veux dire pourquoi, selon moi. Et quand on dit la personne humaine ne se grandit que dans la paix, il nous faut tuer la guerre, nous faut tuer la guerre qui est encore en nous, parce qu'elle est en chacun de nous, elle n'est pas chez les hommes ou chez les femmes. Moi, ça m'a longtemps interrogé, parce que j'ai eu, comme beaucoup de familles, des soucis d'enfance dans ma famille qui n'ont pas lieu d'être. C'est tellement récurrent dans la société des humains qu'aucune société animale ne peut le comparer. Je trouve que tu as beaucoup trop pris de temps à faire des comparatifs qui n'ont jamais justification intellectuelle entre les humains déjà et encore moins entre les animaux et les humains, mais bon, passant. Mais l'humain est perdu. Moi, je me suis beaucoup interrogé parce que j'ai eu à me souvenir de choses d'enfance une fois quand ma mère m'a avoué que mon oncle par alliance était enfin en prison. Je me suis dit, il faut que je fasse une séance de psychanalyse, non pas, mais peut-être de faire une séance avec de l'hypnose. Et si je l'avais faite, cette séance, je l'aurais faite avec une ou un ami choisi, et des questions typiques, et un enregistrement, pour ne pas les fouiller dans mon esprit, que je ne voulais pas qu'on y fouille de sale. Pas la personne qui le fait, pas par moi. Hein. Là, je trouve que c'est un procédé grave. Et d'arriver à agiter ça dans mon cerveau m'a fait me souvenir d'une scène que j'ai vécue enfant, où je suis rentré dans une pièce qui était la salle d'eau et aussi la salle des toilettes. Et j'étais, grâce à l'image que j'ai pu revoir, en m'interrogeant profondément moi-même, non pas en culpabilisant l'autre ou l'autre ou l'autre, en essayant de savoir moi ce que j'avais ressenti et vécu de ça, je me suis vu enfant, la hauteur de l'œil un peu en dessus de la serrure. Donc ça veut dire quoi, 6-7 ans, quelque chose comme ça. Mais j'étais rentré dans la pièce d'eau, ma sœur était près des toilettes, à côté d'un individu, où en général, on n'est pas à côté des chiottes d'un bonhomme quand on est enfant, je veux dire, et un bonhomme n'a pas à avoir ce lien-là. Mais la société, après, moi, ça m'a travaillé profondément, parce que quand ça me travaillait, j'ai trouvé ça merveilleux de la part d'amis, de copines, d'amis vraiment charnels, profondes, qui sont venus vers moi m'en parler. Je ne leur en parlais pas, elles le ressentaient tellement que c'est elles qui venaient m'en parler et qui m'ont dit, mais tu sais que 60% des femmes... Et des amis qui sont dans le médical m'ont dit, c'est même pas ce qu'on te dit, c'est entre l'âge de 0 et l'âge de 20 ans, 60% des femmes subissent une forme de violence, quelle qu'elle soit, c'est une forme de violence. C'est colossal comme chiffre. Après, il y a un chiffre qui est encore plus tabou, c'est celui sur les hommes. Mais bon, on ne va pas faire de comparatif non plus, ça n'a aucun intérêt. C'est toute la déviance, par contre, qui se rapproche, comme tu le disais, des modes de vie de chimpanzés. Et j'aurais aimé que tu insistes un peu plus sur le lien de la société du GEMA avec celle des loups, qui semble avoir été très fondée sur celle des loups. Et je pense que dans les temps anciens, quand on connaît un peu les cultures anciennes, le lien qu'il y avait au respect de l'autre, en règle générale, n'était plus du tout celui que nous avons nous. Nous sommes à des années-lumière du respect qui est dû à la vie. Dans le pays d'Ariège, où une de mes grand-mères est née et qui a subi une extermination massive au XIIe siècle, l'ours était, sachez-le, l'ours était féminité, qu'il soit mâle ou femelle, était féminité, protection et donc création. Parce que féminité, création, donc un homme est féminité, une femme est féminité. Un arbre, dans les temps anciens, l'humain ne faisait pas 100 000 enfants, même 3, 4, 7 qui vivaient, ça n'existait pas. Il en faisait un nombre, comme les arbres d'ailleurs, en gros, quelle que soit l'espèce d'arbre, on s'en rend compte qu'ils produisent des milliards de cellules de reproduction ou une, il fera dans 100 sa vie entière un arbre qui survivra aux éléments naturels. Et l'humain a dénaturé sa vie. Le sanglier dans la forêt, par des observations scientifiques, nous nous sommes aperçus que le sanglier devance parfois 2-3 années de récolte naturelle pour savoir le nombre de petits qui pourront être mis au monde. L'humain s'est dénaturé par son mode de vie, par son mode de choix de vie. Et tant que nous ne sortirons pas de ce paradigme complètement déviant, la violence sera là et elle y est. Et pour finir, pour être moins long que toi, ce qui beaucoup m'a appris 3 années en Ariège, beaucoup de marches, seul, enfin, très accompagné, mais seul, c'est que j'ai vu les litanies des monuments aux morts. Et encore, il n'y a pas ceux de Napoléon et d'avant. Dans l'ère judéo-chrétienne dominante sur le monde, qui est encore trop, c'est quand même que 140 années de paix. Et je pense que ça, c'est une chose qu'il faudrait interroger beaucoup plus. Parce que quand on imagine dans nos familles tous le nombre d'enfants qui sont morts dans les guerres, qui ont marqué les générations qui ont suivi, qui elles-mêmes sont allées mourir dans les guerres, ce paradigme-là, on n'en parle jamais, mais il est monstrueusement inoculé dans le cerveau de chacun. C'est une violence extrême. Et si vous intéressez à, pour faire la fête, comme vous disiez vous, Alain Supiot, qui est un juriste du droit du travail, analyse les périodes de guerre, et nous sommes dans une période de guerre, le président de certains Français l'a déclaré 6 fois à la télévision lors de son premier discours, nous sommes dans une période de guerre, il faut faire attention parce que ce sont des guerres de c'est une guerre de mutation économique qui ne va rien régler si nous ne faisons pas le chemin tous. Et je pense que tu avais posé la bonne question tout à l'heure, pourquoi cette domination? Jamais j'ai entendu une moindre réponse à ça. D'où est-elle venue réellement? Quels sont ces liens? Quel est le rôle? Une fois, il y avait une amie en Ariège, dans un lieu très intéressant où beaucoup de gens se rencontraient. Elle disait, les hommes tous les mêmes, une fois, deux fois, il y a un problème, il y a arrête-toi. Parce qu'une femme y est pour lui demander. Pour lui demander, je lui ai juste dit, mais une femme ministre, c'est un homme ou une femme? Elle ne m'a jamais répondu. L'actuelle ministre en France est soi-disant une femme, mais pour moi, c'est pas une féminité, c'est pas ta création. C'est une violence aussi bien machiste que dictatoriale. Je veux dire, le fondement essentiel de notre société, c'est une maladie généralisée. Pour moi, hein, on est tous malades, hein, je me mets dedans. Et j'interroge ça puissamment vers vous. Une des questions, à mon avis, c'est aussi qu'on n'interroge pas le fait que la violence est typiquement masculine. Il y a des chiffres ça, qui montrent ça, et qu'on est dans le déni de cette interrogation. Il y a, par exemple, moi je peux citer le livre de Lucille Pétavin, qui est une sociologue, c'est un livre qui est sorti l'année dernière, qui s'appelle « Quel est le coût de la virilité ?» Et en fait, elle prend les chiffres du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Santé, et dit aujourd'hui « Quel est le coût en France et les conséquences de la virilité érigée en idéologie culturelle dominante ?» 84% des accidents de route mortels sont le fait des hommes. 90% des personnes condamnées par la justice sont des hommes. 86% des condamnations pour meurtre sont des hommes. 92% des élèves au collège sanctionnés pour des actes d'atteinte aux biens ou aux personnes sont des garçons. 97% des auteurs de violences sexuelles sont des hommes. Pourquoi est-ce qu'on n'interroge pas le fait que la violence est essentiellement, je pèse mon mot, essentiellement, et pas naturellement, masculine, culturelle. Pourquoi tu ne réponds pas à la question? Pourquoi? Non, elle est sociologue, elle fait un constat. Et elle dit, mais pourquoi n'interroge-t-on pas ça? D'aller plus loin, de se dire, mais d'où vient ce poids? C'est pas en donnant des chiffres qu'on s'interroge. Si, ça ouvre le débat quand même. Chantal. Oui, je me demandais. demander finalement, parce que... On va discuter. Hein. Voilà, c'était très intéressant effectivement d'avoir les origines. Mmh. Moi, je dis, alors la nature, elle évolue toujours, parce que quand on dit nature, on croit que ça ne bouge pas. La nature, il y a 10 000 ans, c'est pas tout à fait la même. Donc on est venu d'une sorte de société animale où c'était la force physique qui comptait. Pas seulement. Et la protection du groupe, etc. Mais c'était quand même basé sur ça, et on vient vers une société qui aujourd'hui les éléments moteurs sont plus les mêmes. Cette force physique-là, par exemple, qui était un des éléments importants, n'est plus importante. Par contre, vous avez bien démontré ce fonctionnement viril de la société. C'est comme ça que je comprends ces chiffres. C'est-à-dire, elles fonctionnent, ces hommes fonctionnent sur ce modèle, encore aujourd'hui. Et on n'a pas tous intégré les changements. Et je me demandais finalement, pour moi, les femmes sont une classe dominée, comme les Noirs étaient en esclavage, tout simplement. C'est vrai que regarder la féminité spécifique, etc., tous les êtres humains, on n'a pas à regarder leur sexualité. Tous les êtres humains ont quand même doivent fonctionner ensemble. Il faut qu'on apprenne à vivre ensemble. Je ne crois pas qu'on court, parce que les gens commencent à partir. Mais ça, être ensemble, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un dominant et un dominé. Hein. Absolument, absolument. Là, c'est bien la domination. On n'a qu'à voir la parole politique ou la parole. En fait, aujourd'hui, au niveau de, on peut aussi ajouter à la force le concept d'accumulation, accumulation des biens et des richesses et de la prédation. Absolument. Et ça, c'est un élément de pouvoir. C'est l'élément de pouvoir essentiel. C'est pas l'élément musculaire. Donc, on va continuer. Bon, il y a le débat. Enfin, on pourrait parler pendant des heures. Ouais. Donc, on a encore du temps. On ferme pas tout de suite. Donc, on va discuter autour d'un verre. Je vous remercie de voter à tous ceux et celles qui ont écouté, qui ont participé. Et puis, je vous rappelle que le bouquin de Joël est en vente là et que vous pouvez lui acheter directement. Je garantis qu'il est passionnant, ce bouquin. Oui. Et comme il l'a dit, il y a 4 bouquins en un. Donc, n'ayez pas peur de l'épaisseur. Hein, c'est un bouquin qui se déguste, qui peut se lire en plusieurs fois. Voilà, donc merci beaucoup, à vous d'être venus ici, d'avoir choisi ce lieu. Et puis, c'est vrai que le sujet était très, très, très, très vaste.